Elle soupire et d'un geste rêveur froisse le papier sur son cœur. Elle ignore que ce qu'il a tiraille, c'est l'amour qui pousse dans ses entrailles. Et la joie coule sur ses joues, comme aujourd'hui les iris sont beaux. Elle se lève à la fenêtre, le soleil enflamme ses cheveux. Elle n'a jamais été aussi belle. Elle se glisse dans son lit et se met à rêver de lui. Comme il est séduisant dans le clair obscur de son son. Elle voudrait s'abandonner dans la chaleur de ses bras, s'enlacer jusqu'à étouffer. Dehors l'hiver crache ses flocons. Elle n'a jamais été aussi belle. Qu'il a vainement essayé de manquer. Avec elle, il s'ennuie, s'agace même quand elle soupire. Elle sent bien l'hiver dans son corps et son sang de se glacer. Elle a épuisé ses eaux lacrymales sur son mouchoir détrempé.